vie sans toi, je peux pas. C'est un désert sans aucun point de repère. Je tourne en rond, tourne à l'envers. Je pleure mon marin parti en mer. Sans ta présence, tout manque à mon univers. J'ai besoin de tes silences et de tes mystères. Tu me parles des océans où tu t'en vas. Moi, mes sentiments sont en émoi. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, partager tes rêves, tes larmes et tes rires. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à la je te garderai comme un trésor, je ferai la diva. Mieux que ces femmes que tu serrais dans tes bras et qui en ont perdu le nord. J'attendrai, j'attendrai marin, que ton cœur s'attache au mien, je lâcherai pas. C'est comme une grâce que j'implore, sans me lasser tellement j'y crois. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, partager tes rêves, tes larmes et tes rires. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à l'infini, au bout de ma vie. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, partager tes rêves, tes larmes et tes rires. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à l'infini, au bout de ma vie. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, pour le meilleur, pour le pire, partager tes rêves, tes larmes et tes rires. Je veux